Bélier, mettez au point une stratégie d'action précise qui délimitera votre champ d'investigation. Taureau, fignolez vos plans dans l'ombre sans vous occuper des autres, ce n'est pas encore le moment d'agir. Gémeaux, il est temps pour vous de faire le point pour savoir où vous en êtes. Cancer, vous vous êtes fixé des objectifs déterminés pour que vos projets aboutissent en temps et en heure. Lion, si vous rencontrez des oppositions avec vos collaborateurs, ne le prenez pas mal et soyez plus à l'écoute des avis de chacun. Vierge, comme vous êtes perfectionniste, vous ne lésinez pas sur les efforts à faire pour parvenir à vos fins. Balance, Mars vous insuffle ses bonnes influences, vous rendant dynamique et enthousiaste. Scorpion, ne vous imposez pas en force, mettez plutôt en exergue vos qualités diplomatiques. Sagittaire, si vous trouvez que vos affaires sont au point mort, ne vous minez pas le moral inutilement. Capricorne, même si vous pouvez obtenir gain de cause, prenez tout votre temps. Verseau, vous êtes perturbé par des soucis qui vous minent le moral. Ne vous laissez pas influencer par les événements extérieurs. Poisson, buvez davantage d'eau au cours de la journée. Rien de tel pour drainer les toxines et entretenir votre ligne de rêve.